بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beaucoup de frères, جزاهم الله خيرا, ont demandé à travers le Facebook et d'autres moyens des conseils en ce qui concerne طالب العلم. Et donc, on a essayé en ce dars, après une longue interruption, de donner des règles sur l'acquisition de la science selon le Coran et la Sunna. Des règles et des conseils, nasa'ih, sur cette question-là. Le dars s'intitule donc « Qawa'idun fi talab ilm al-kitab wa sunna » des règles sur l'acquisition de la science du livre et de la Sunna. Nas'al Allah yuwaffiqana li'itmami. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous permette de l'accomplir. قال الأوزعي رحمه الله العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجي عنهم فليس بعلم. الإمام الأوزعي parmi les imams des salaf des trois premières générations dit: la science c'est ce qui est venu des compagnons de Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ce qui ne vient pas d'eux, ce n'est pas de la science. Donc toute science qui ne vient pas ou qui n'a pas été transmise par les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, la Sunna, l'ilm al-tawhid wa al-aqida, le fiqh, al-halal wa al-haram, al-zuhud wa tazkiyat al-nufus, et toutes ces sciences, si elles ne proviennent pas des compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si elles sont innovées, si elles sont mélangées avec al-bida', si elles sont mélangées avec al-kalam, la théologie spéculative, si elles sont mélangées avec al-mantiq, la logique aristotélicienne, si elles sont mélangées avec d'autres sciences, ça ne vient pas des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne mérite même pas le nom de science. Wa qala al-imam al-awza'i kadhalik, rahimahullah. Et ici on cite cette parole pour montrer sur quoi étaient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tabi'in. Parce qu'on va citer que parmi les choses les plus importantes dans Talab al-Ilm, c'est l'amal, c'est le fait d'agir selon cette science. قال الإمام الأوزعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله تعالى. Donc ces cinq choses, il faut qu'elles soient présentes chez l'étudiant en science, chez Talib al-Ilm, s'il veut suivre les Sahaba. Car ça ne suffit pas de suivre les Sahaba dans l'aqida et le simple et la théorie seulement, mais il faut les suivre dans les actes. Ces cinq choses, quelles sont-elles? Al-Awza'i nous dit cinq choses sur lesquelles étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. L'uzum al-jama'a, le fait de s'attacher à al-jama'a. Qu'est-ce que al-jama'a dans ce athar? On le sait tous. Al-Jama'a dans le livre et la Sunna, c'est comme il est venu dans le hadith de Bukhari wa Muslim, hadith Hudhayfa ibn al-Yaman, Elzam Jama'at al-Muslimina wa imamahum, accroche-toi au groupe des muslimines et à leur imam. Que dire alors de celui qui prétend être un talib al-ilm et qui ne suit même pas cette première wasiya, ce premier conseil? Jama'at al-Muslimin est présente aujourd'hui après une longue absence. Les gens ont fait bay'a Abu Bakr, Ibrahim ibn Awad al-Qurashi al-Husayni. Al-Jama'a s'est réalisé. Ils ont annoncé le khilafa. Accroche-toi donc à la Jama'a des muslimines. Tu prétends être un talib al-ilm? Tu prétends être un salafi, entre guillemets? Tu prétends être sur minhaj al-haq? Et tu t'accroches même pas à la Jama'a des muslimines? Tu ne fais pas bay'a amir al-mu'minin? Et tu te sépares du groupe des musulmans, soit par le cœur, soit par les membres, soit par les deux. Le deuxième, wattiba' al-sunnah, le fait de suivre la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les grandes choses et dans les petites choses, dans le fait de laisser pousser sa barbe et de ne pas y toucher, dans le fait de raccourcir son vêtement et de l'élever au-dessus de la cheville, dans le fait de dans toutes ces choses-là, dans le fait de boire trois fois, de s'asseoir pour boire, que sais-je encore, mais aussi dans les grandes sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, as-sad'a bit-tawhid, le fait d'appeler les gens au tawhid, le fait de faire l'hijra fi sabilillah ta'ala, le fait de rassembler les gens, l'ijtima', le fait de combattre les ennemis d'Allah, etc., etc. Tout ça, c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa imarat al-masjid, et le fait d'adorer Allah dans les mosquées des muslimines. Et ça c'est quasiment impossible aujourd'hui, dans les pays soi-disant des musulmans, dans lesquels les mosquées ont été corrompues par les imams du mal, parmi Ahl al-Bida'a, ou parmi les gens du shirk, qui appellent au shirk ou à la Bida'a du haut de l'Manabir, ou dans des mosquées qui sont financées par les Tawarites dans les terres de Kufr. Cela n'est possible que dans l'État islamique. Cela n'est possible que dans la terre d'Islam. Alors rejoins la terre d'Islam si tu veux être un talib al-ilm salafi, si tu veux faire imarat al-masajid et non pas faire imarat masajid al-dirar comme le font trop souvent de nombreux frères hadahumullahu wa iyana. Wa tilawat al-Qur'an, et le fait de réciter le Qur'an. Une personne y pense que talib al-ilm c'est apprendre le mutun, acheter des livres, remplir sa maison de mujalladat. Alors qu'il devrait savoir que la première ilm que tu dois acquérir, c'est d'abord tilawat al-Qur'an. Réciter le livre d'Allah Azza wa Jal. Wa kana Uthman yuqallibu al-mushaf wa yabki wa yaqul wa yuqabbilu al-mushaf wa yabki wa yaqul kalamu rabbi kalamu rabbi. Et Uthman embrassait le mushaf et disait: ceci est la parole de mon Seigneur, ceci est la parole de mon Seigneur. Et on rapportera des athar dans ce qui suit. Wa al-jihadu fi sabilillah, et le fait de lutter et de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont les cinq choses sur lesquelles étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant tout, demande-toi, est-ce que tu les as réalisées? Comme toute personne, et moi en premier, on doit se demander, est-ce qu'on a réalisé ces cinq choses? Nasallahu waffiqana li dhalik. Wa qala l'imam Abu Muhammad ibn al-Barbahari rahimahullah ta'ala, l'imam Muhammad al-Barbahari, parmi les savants de l'école de l'imam Ahmed, les élèves de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, le grand imam de la Sunna al-Barbahari, il dit dans son livre Sharh al-Sunna à la page 52: wa'lam anna al-ilma laysa bi kathrat ar-riwayat wal-kutub, et sache que la science ce n'est pas beaucoup de hadiths rapportés ni beaucoup de livres. Ne sois pas trompé ya Abdallah. Ne sois pas trompé, ya Abdallah. C'est pas parce qu'il a beaucoup de livres dans sa maktaba. C'est pas parce qu'il a écrit beaucoup de livres. C'est pas parce qu'il parle beaucoup et a de nombreuses musharaka ou de nombreux textes sur les forums et sur YouTube, etc., etc. Ne sois pas trompé. La science, ce n'est pas un grand nombre de hadiths rapportés ou un nombre de livres. Walakin al-alim man ittaba' al-kitab wa sunnah wa in kana qalil al-ilm wal kutub. Mais le savant, c'est celui qui suit le livre et la sunna, même s'il a peu de science et peu de livres. Wa man khalafa al-kitab wa sunnah fa huwa sahibu bid'ah. Et celui qui s'oppose au livre d'Allah et à la sunna, c'est une personne de l'innovation. Wa in kana kathir al-riwayati wal kutub, même s'il a beaucoup de hadiths rapportés et beaucoup de livres. Et on le voit aujourd'hui. Si tu veux une ijaza dans le hadith, dans les kutub al-sitta ou les kutub al-ishrin, si tu veux de l'ijaza dans le Coran, tu vas trouver ashab al-bid'a ajhal min himari ahli. Il ne sait même pas où est Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait même pas qu'Allah est au-dessus des sept cieux, il ne sait même pas que la foi, c'est pas seulement ma'rifat al-qalb, la connaissance du cœur, mais que la foi, c'est l'i'tiqad, que la foi, c'est la parole et l'acte, la parole du cœur et la parole de la langue, et l'acte du cœur et l'acte des membres. Le premier conseil, la première règle, c'est l'ikhlas, le culte pur ou la sincérité. قال الحافظ ابن رجب وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها في جامع العلوم والحكم. الحافظ ابن رجب dit: la menace est venue, c'est-à-dire la menace d'Allah, du châtiment d'Allah, sur une personne qui a appris la science pour autre chose que la face d'Allah Jalla wa Ala, comme il est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud dans son Sunan, Ibn Majah, selon le hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend une science par laquelle on cherche la face d'Allah. Et toute la science dans laquelle on parle, La science, l'ilm, l'ilm al-kitab wa sunnah, c'est une science par laquelle on cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche à se rapprocher de lui et on cherche à l'adorer seul, sans associer et à suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait ça et qui ne fait ça que pour acquérir une partie de cette dunya, il ne sentira pas l'odeur du paradis yawm al-qiyamah. Il ne sentira pas l'odeur du paradis yawm al-qiyamah. Nas'allahu ihfadhana min dhalik wa nas'aluhu l'ikhlas fi l'qawli wa l'amal. La deuxième règle, طلب العلم حكمه وفضله. والعلم منه ما هو فرض عين على كل مسلم. Et parmi la science, il y a ce qui est une obligation individuelle pour chaque musulman. قال احمد يعني الامام ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله في روايه احمد بن الحسين وقيل له طلب العلم فريضه قال نعم لامر دينك وما تحتاج اليه من ان ينبغي ان تتعلمه. وقال في رواية أبي الحارث يجب عليه يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله كما رapporté par son élève dans la version de Ahmed ibn al-Hussein, il a dit, on lui a demandé, l'étude de la science est-elle une obligation? Il a dit oui. En ce qui concerne ta religion, il a expliqué après, il a dit quoi dans la riwaya de l'Abi al-Harith? Il est une obligation d'apprendre de la science ce par quoi la religion est établie. On sait ce que ça signifie. Le tawhid, personne ne rentre dans l'islam si ce n'est pas la science du tawhid. Il est donc une obligation de l'apprendre. Ça peut même être une condition. Personne ne rentre dans la sunna et n'est sauvé de la bid'a, c'est-à-dire n'est sauvé du fait d'être parmi les 72 sectes qui seront en enfer qu'en apprenant la sunna, comme il l'appelle les salafs, c'est-à-dire la aqida de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, le fait de connaître la croyance d'Ahl al-Sunna dans l'iman, dans le sifat, dans le qadar, etc., etc. Et bien sûr, il est une obligation pour chaque personne de prier. Donc il est une obligation d'apprendre ahkam al-tahara, les règles de la purification rituelle, les règles de la salat. S'il est une obligation de jeûner, il est une obligation d'apprendre les règles du jeûne. S'il est une obligation pour la personne de faire l'hijra, il doit savoir que l'hijra pour lui est obligatoire. S'il est une obligation pour la personne de faire le jihad, il doit connaître les règles du jihad, etc., etc. Toutes ces versions sont rapportées dans l'adab al-shar'iyya de Ibn Muflih. وعن معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري في كتاب العلم. معاوية أنجوخ رضي الله عنه خال المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان faisait une khutba un jour devant les gens. Et il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ce qui signifie, celui pour lequel Allah veut du bien, et lui fait comprendre le din. Wa mafhum al-mukhalafa, man la yuridillahu bihi khayran, la yufaqihu fi din. Al-fiqhu fi din, c'est-à-dire la science, la compréhension de la religion, et la compréhension de la religion ne peut être acquise que par la science. Elle est donnée à quelqu'un à qui Allah azza wa jal veut du bien. Et on vous rappelle, ce qui a été dit précédemment, on ne parle pas de l'ilm dans le sens al-ma'loumat, les connaissances acquises sur la religion ou le nombre de livres ou quoi que ce soit. On parle de l'ilm, al-ilm al-haqiq, al-ilm al-kitab al-sunnah, al-ladhi warrithu al-khashya, khashya t'Allahi azza wa jal, ou al-amal bil-kitab al-sunnah, la science par laquelle viennent les actes et par laquelle la personne acquiert la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On laisse un imam parmi les imams du Najd, c'est le Cheikh Hamd ibn Atiq, rahimahallahu ta'ala, nous donner quelques conseils en ce qui concerne l'acquisition de la science, comme c'est venu dans le livre Ad-Durar al-Saniya, al-Mujallad al-Rabi', safhat 45 wa 300, parce que certains pensent que Ad-Durar al-Saniya, fi la Joubat al-Najdiya, c'est juste un livre qui parle de takfir, et avant tout, bien sûr, de tawhid. Mais c'est un livre aussi qui rassemble les fatwas dans le fiqh et qui rassemble des wasaya, des conseils, comme celui qu'on va lire. Qala Cheikh Hamd ibn Atiq rahimahullah, al-ilmu yuhfadhu bi amrayn. La science, elle est sauvegardée par deux choses. Tadhakurun wa fahm. Le fait de la révision ou l'apprentissage et la compréhension. Wal-amalu bihi. Et le fait d'agir selon cela. فمن عمل بما علم حفظ عليه علمه وأثابه علما آخر ما يعرفه. Celui qui agit selon sa science, Allah lui préserve sa science. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui fait? et lui donne comme récompense une autre science qu'il ne connaissait pas. Car le fait de ne pas agir selon la science ou de ne pas l'enseigner aussi fait oublier ce qu'on a appris précédemment. فَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ حَافَظَ عَلَى فَرَائِدِ اللَّهِ وَلَازَمَ السُنَنَ الرَّوَاتِبِ والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار وأعزر نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فقد تسبب للعمل بعلمه. Il dit, et il explique comment tu agis selon ta science. Et Abdallah, il dit, lorsque tu préserves ou que tu appliques les obligations d'Allah, c'est-à-dire principalement les salawat obligatoires, et que tu ajoutes à cela les sunan qui sont attachés aux salat obligatoires. Par exemple, 2 raka'a avant le fajr et 2 raka'a avant le dhuhr, il a été dit 4, ou 2 raka'a avant après le dhuhr, 2 raka'a après le maghreb et 2 raka'a après l'isha. C'est ceci, sunan al-rawatib. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa tilawatul Qur'an, et le fait de réciter le Qur'an. La récitation du Qur'an, wa l'istighfar ou bil ashar, et le fait de demander pardon à Allah juste avant l'aube. Nasallahu faqana li dhalik. Et il faut que la personne, c'est le conseil d'Ahabd ibn Atiq, on le traduit par son sens, il prenne un temps dans la journée dans lequel il s'assoit dans la mosquée pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur temps pour cela, c'est après la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève. Celui qui a fait cela, il a agi selon sa science. وَكَذَلِكَ اجْتَنِبُ مَجَالِسَ اللَّغْوِ وَالْغَفْلَةِ وَيُعَادِي مَجَالِسَ أَهْلِ الْغِيبَةِ وَسَاقِطِ الْكَلَامِ وَيَحْفَظُ لِسَانَهُ مِمَّا لَا يَعْنِيهِ نَصَلَّى يَفَقَنَا لِذَلِكَ. Et de même, il s'éloigne des assemblées de futilité, des assemblées futiles dans lesquelles les gens se détournent du rappel d'Allah, de la salat et de la science. Et il prend l'inimité les assemblées des gens de la médisance et des paroles vaines. Et il préserve sa langue de ceux qui ne le regardent pas. ثُمَّ أَقْبَلْ عَلَى تَذَاكُرِ الْعِلْمِ وَقَيِّدْهُ بِالْكِتَابَ ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَى تَذَاكُرِ الْعِلْمِ وَقَيِّدْهُ بِالْكِتَابَ. Ensuite, oriente-toi vers quoi? Vers le fait d'apprendre la science. Et attache cette science par l'écriture. Celui qui étudie, il faut qu'il écrive. Talib al-ilm, il a toujours un cahier ou deux avec lui en fonction des matières qu'il écrit. Tout ce qu'il lit, il doit écrire, il doit résumer, etc. etc. Et on voit que les ulémas en général, ils ont des muhtasarat. Parmi eux, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, on sait qu'il a, parmi les grands savants des derniers, ou les derniers grands savants, on va dire, il a un résumé de Zad al-Ma'ad, un résumé de Sharh al-Kabir ma'a al-Insaf dans le fiqh Hanbali, il a un résumé parmi des fatwas d'Ibn Taymiyyah, il a un résumé de Sirah Nabawiyyah, etc., etc. C'est-à-dire qu'il écrivait et qu'il résumait. Celui qui résume un livre, il l'a appris par cœur. Celui qui résume un livre, il connaît ce livre comme il connaît Al-Fatiha. وحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل التمر عليه وقت الجذاذ. Et il dit que la personne, et là il y a une faïda qu'on va citer après, il doit être plus intéressé par le fait d'acquérir des livres et des copies de livres que une personne qui cherche des dates en temps de famine ou en temps de récolte. وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد. C'est dans le même sens. فهذا يسمى طالب علم. C'est celui-là qu'on appelle un étudiant en science, un talib ilm. وهو على سبيل نجاح. Et c'est lui qui est sur la voie du salut. إذا كان مخلصا في ذلك لله. Mais à condition de quoi? Qu'il soit sincère dans cela envers Allah subhanahu wa ta'ala. وأكثر علامات ذلك. Et quels sont les signes de cela? أن يكون لصاحبه حال يتميز بها عن الناس. Il faut que son état soit différent de l'état des gens, c'est-à-dire de qui ici? De l'juhal, et de l'mughaffalin, et de l'mubtadi'a, et bien sûr de l'mushrikin. Hatta yustashhadu bihali, wa tamayyuzihi binfiradihi anan nas. Talib al-ilm, il est connu parce qu'il faut qu'il passe des temps où il est tout seul. Il a besoin d'être tout seul à certains moments pour lire le Coran, pour faire du dhikr, il a besoin d'être tout seul pour réviser, il a besoin d'être tout seul pour copier les livres, et c'est ça qu'on voulait dire, c'est qu'à l'époque du Cheikh Hamd ibn Atiq et à l'époque des salafs, et de très peu de temps avant notre époque, pourquoi les gens avaient beaucoup de science? Parce que lorsqu'il voulait un livre, il fallait qu'il le recopie, en général. Lorsqu'il voulait un livre, il fallait qu'il le recopie. Donc un nasr était une partie très importante, le copiage était une partie très importante de la science. À notre époque, Al-Bahima, celui qui ne sait quasiment pas déchiffrer, ou qui n'a pas étudié ne serait-ce qu'un tout petit livre, un Mukhtasar, l'Usul al-Thalatha, il a la maison, sa maison remplie de livres, comme on l'a vu chez certaines personnes, par exemple en Arabie, Wallahu al-Musta'an. Il dit, Illa man dakhala ma'ahu fi tariqi. Il se sépare des gens, sauf celui qui rentre avec lui dans cette voie. C'est-à-dire, sauf celui qui rentre avec lui dans le fait d'étudier la science et de la réviser. وَأَمَّا إِذَا تَسَمَّ الْإِنسَانُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا تَأَمَّ الْتَحَالَ إِذْ هُوَ بِمِثْلِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَلَا فِيهِ خَاصَةً عَنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَحَالُهُ عِنْدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالرَّوَاتِبِ مِثْلُ حَالِهِمْ لَا مُحَافَظَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ نَامَ جَمِيعَ لَيْلِهِ وَجَمِيعَ نَهَارِهِ وَصَارَ لَهُ مَعَ كُلِّ النَّاسِ مُخَالَطَةً. Il dit, à l'inverse, tu vois que beaucoup de gens à notre époque, parmi les gens qui se prétendent des lecteurs, c'est-à-dire des savants ou des étudiants en sciences, tu ne vois aucune différence entre lui et les gens du souk, entre les gens du marché. Ni dans sa salat, ni dans les rawatib, il dort toute la journée et il se mélange avec tous les gens sans aucune exception. وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا أَنَّهُ بَعْضُ الْمَرَّاتِ يَأْخُذُ الْكِتَابُ وَيَقْرَأَ فِي الْمَجْلِسِ. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle savant ou étudiant en sciences? C'est que de temps en temps, il prend un livre et il le lit dans une assemblée. Wallahu al-musta'an. À notre époque, c'est encore plus facile que cela. Il suffit qu'il écrive un peu sur Internet, ou il suffit qu'il achète, comme on l'a vu dans certains endroits, un camis blanc, une taqiya blanche, et qu'il mette un stylo dans la poche du camis, ou qu'il mette une serviette blanche sur la tête, comme certains imams en France, et les gens le prennent pour un talib al-ilm. ولو سألته عن بابه الذي قرأه ما عرفه أو ما عرفه. Et si tu le questionnes à propos du chapitre qu'il est en train de lire, il ne sera pas de quoi il parle. ولو طلبت منه مسألة مما يقرأ لم يجب عنها. Et si tu lui demandes une masala à propos de ce qu'il lit, il ne pourra pas te répondre. وربع الريال أحب عنده من كتابين. Et un quart de rial, c'est-à-dire de la monnaie de son époque, est pour lui plus aimé que deux livres. فَقَدْ خَلَى مِنْهُ الْمَسْجِدُ وَامْتَلَأَتْ مِنْهُ مَجَالِسُ الْغَفْلَةِ. Il a délaissé la mosquée et il s'est, au contraire, tenu dans les assemblées de Al-Ghafla, de l'insouciance. وَعَطَّلَ لِسَانَهُ عَنِ الذِّكْرِ. Et sa langue est absente du dhikr d'Allah. وَسَالَهُ فِي الْخَوْضِ فِي أَحْوَالِ النَّاسِ وَمَجْرِي بَيْنَهُمْ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et il dit aussi, comme conseil avec un étudiant en sciences, il dit, c'est très important, أُوصِيكَ بِالْحِرْصِ عَلَى تَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Il dit, et je te conseille à toi, et de porter intérêt ou d'apprendre la science qui a été hérité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est dans Durar Saniya, on a déjà donné la source. Donc la première chose, ou l'une des plus les choses les plus importantes pour le talib ilm et pour le musulman en général, et on l'a cité précédemment, et on a même fait un dar sur cette question-là, l'i'tisam bil kitab wa sunnah, والتمسك بالقرآن والسنة على فهم السلف. Le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salaf. On a déjà, comme je l'ai dit, fait un dars sur cette question-là avec beaucoup de dalil et de paroles des salaf. Je prête attention vraiment au fait de lire le Coran et d'avoir son mushaf personnel et de passer du temps avec lui à méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr ibn Abi Shayba, rahimahullah, dans son livre Al-Musannaf, a consacré un chapitre à cela lorsqu'il a dit « Fi damati nadari fil mushaf » le fait de regarder constamment dans le mushaf. Et il rapporte un certain nombre de athar en ce qui concerne les salafs parmi Abdullah ibn Mus'ud, radiyallahu anhu, qui a dit « Qala adimun nadara fil mushaf » regarder constamment dans le mushaf. Et il est rapporté de Abdullah ibn Amr « Qal intahaytu ilayh » يعني هو الخيثمة يقول عن عبد الله بن عمرو قال انتهيت إليه وهو يقرأ في المصحف قال هذا حزبي الذي أريد أن أقوم به الليلة لعبد الله بن عمر parmi les savants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était pas simplement un compagnon il faisait partie des ulama des sahaba il a rapporté de lui une personne est rentrée chez lui qu'il était en train de lire dans son mushaf et il a dit ceci est mon hizb ceci est la partie avec laquelle je vais passer la nuit en prière et Yunus radiallahu anhu قال كان خلق الأولين النظر في المصاحف parmi les comportements des prédécesseurs de l'awwalin le fait de regarder constamment dans le mushaf. Ceci fait partie de celui qui veut être salafi, qui veut suivre les salafs. C'est pas seulement avec la langue, c'est pas seulement avec le qamis, c'est pas seulement avec les titres ou la serviette sur la tête. C'est avant tout de rester avec le mushaf, avec la parole d'Allah et de la lire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit « Ma ra'aytu shay'an yughadhi l'aql » والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله في الفتاوى المجلد السابع ابن تيمية دي رحمه الله je n'ai pas vu une chose qui nourrit la raison et l'esprit qui préserve le corps et qui garantit le bonheur je n'ai rien vu de tel que de lire constamment le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est dans le volume 7 de l'Fatawa, la page 493. Et beaucoup de gens se demandent, lorsqu'ils prennent le chemin de la science, ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent apprendre le Coran par cœur ? Est-ce qu'ils doivent étudier tel livre ? Est-ce qu'ils doivent étudier tel livre ? Que faire passer avant ? Etc. etc. Ibn Taymiyyah répond à cela dans Majmou' al-Fatawa, al-Mujal al-Thalith wal-Ishrin, lorsqu'il dit « Am al-ilmu alladhi yajibu ala l'insan » عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب والواجب مقدم على المستحب Ici nous donne une grande chose, une grande règle Ibn Taymiyyah entre le fait d'apprendre le Coran par cœur et le fait d'acquérir la science et il dit la science qu'elle est une obligation pour l'homme d'apprendre comme la science de ce qu'Allah a ordonné On a déjà cité ce que c'était. Et ce qu'Allah a interdit, et la première chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid, et la première chose qu'Allah a interdit, c'est le shirk. Tout cela passe avant le fait d'apprendre par cœur ce qui n'est pas obligatoire du Coran. C'est-à-dire qu'apprendre le Coran par cœur, ce n'est pas une obligation. C'est mustahab, mais ce n'est pas une obligation. Alors qu'apprendre par exemple le tawhid, apprendre par exemple les règles de tahara et de salah, ceci est une obligation. Mais après, il nous donne Une autre chose importante à comprendre, il dit « Amma talabu hifz al-Qur'an, fahum muqaddamun ala kathiri mimma nusammihi ou tusammihi nasu ilma, wa huwa imma batil ou qalilu naf'a. » Mais par contre, il dit « Beaucoup de gens nomment science, beaucoup de gens, le fait pardon, d'apprendre le Qur'an par cœur, passe avant beaucoup de ce que les gens nomment science. » Les gens, ils nomment science des choses qui sont batil ou qui ont très peu d'intérêt. Tu verras une personne qui apprend l'asl ou l'awazim et toutes ces questions-là et qui connaît très peu du Coran et qui médite très peu le Coran et qui enseigne très peu le Coran. Et il pense par exemple qu'apprendre usul al-fiqh ala minhaj al-mutakallimin, le fait d'apprendre les bases du fiqh ou de faire un tawassu', d'apprendre des règles de mustalah al-hadith et il fait passer tout cela en le fait de réciter le Coran de l'apprendre par cœur, de comprendre le Coran et même parfois de l'appliquer. Tout cela, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 23, la page 56. Parmi les règles de talab al-ilm, taqdim wa ahm al-ulum, wa al-tawhid wa al-aqida, le fait de faire passer avant tout la plus importante des sciences, qui est la science du tawhid et de l'aqida. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Et Luqman, lorsqu'il a enseigné à son fils, il lui a dit, dans le verset qui signifie, le verset 13 de sourate Luqman, lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhortait, « Oh mon fils, n'associe pas à Allah. » C'est-à-dire que Luqman, la première chose qu'il a dit à son fils, qu'il a enseigné à son fils, c'est même pas le tawhid, c'est le fait de ne pas faire le shirk. Il lui a appris al-kufr bit-taghut avant de lui apprendre la foi à Allah. Il lui a appris de ne pas associer à Allah, de ne pas adorer d'autre qu'Allah, de ne pas prendre le jugement d'un autre qu'Allah, de ne pas s'allier avec les ennemis d'Allah avant de lui apprendre quoi que ce soit parmi l'adab ou parmi même التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله تعالى. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'unification d'Allah تعالى, le fait d'unifier Allah, c'est-à-dire le tawhid. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد البخاري l'a rapporté dans son sahih dans le livre du tawhid. On l'a déjà cité par rapport dans le durus de l'minhaj, celui qui commence sa da'wa par autre chose que le tawhid et qui explique aux gens autre chose que le tawhid avant de leur avoir expliqué le tawhid, il s'est opposé à la da'wa non seulement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais de tous les prophètes et de tous les messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله وما يجب له على عباده من دين الذي رضيه لهم فبالقيام به صلاح الدنيا والآخرة وفي الغفلة عن زوال النعم وحلول النقم. عبد الرحمن بن حسن le cheikh il dit il n'y a aucun bien pour les serviteurs dans leur vie d'ici-bas et dans leur vie de l'au-delà si ce n'est avec la science d'Allah Azza wa Jal, le fait de connaître Allah, c'est-à-dire la science du tawhid et de l'aqidah, le fait de connaître Allah, de connaître ses attributs, hein, et ce qu'il est une obligation à chaque serviteur de connaître de la religion. Lorsque la personne fait cela, sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà, selon réformés, seront saines. Et s'il s'est insouciant en cela, Allah va lui enlever tous ses bienfaits et vont tomber sur lui son châtiment. وَقَدْ وَقَعَ فِيكُمْ بِسَوِ الْغَفْلَةِ عَنْ هَذَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ. Il s'adresse à des gens qui ont délaissé l'apprentissage et l'enseignement du tawhid, et à cause de cela, ils se sont divisés, comme c'est arrivé à son époque, dans l'imara du Najd. كَمَا قَالَ تَعَالَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Lorsqu'Allah dit ce qui signifie, nous les éprouvâmes par les bienfaits et par les épreuves, afin qu'ils reviennent vers lui, dans surat Al-A'raf. Il dit ensuite, et il donne un ordre ou un conseil à l'émir à son époque, فيلزم الأمير أن يأمر على الجميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم ويلزمهم بالقراءة فيما جمعه شيخنا يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل. Il dit, il faut que l'émir ordonne à tous les enseignants et à tous les imams des mosquées d'être présents et d'être présents dans les durus où on leur enseigne la religion et qu'il les oblige à lire ce qu'a rassemblé notre cheikh, c'est-à-dire Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son livre du Tawhid, ce qu'il a rassemblé comme preuve du Coran et de la Sunna, dans lequel il y a le discernement entre la vérité et le mensonge. قَدْ جَمَعَ لِاخْتِصَارِهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَضَمَنَهُ مِنَ الدِّلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا يَكْفِي مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهِ. Il dit à propos de Kitab al-Tawhid, on va le citer, c'est l'un des plus importants livres à étudier pour le talib al-ilm et pour le muwahhid, kitab al-tawhid. Il a rassemblé dans ce livre les preuves du tawhid. Et ces preuves-là, les preuves qu'il a rassemblées dans ce livre-là, elles suffisent pour celui qu'Allah a accepté, ou celui qu'Allah a aidé à comprendre la religion. وَبَيَّنَ فِيهِ الْأَدِلَّ فِي بَيَانَ الشِّرْكِ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهِ. Et il est dit, et il a rassemblé dans ce livre, ou il a explicité dans ce livre, les preuves du shirk qu'Allah ne pardonne pas. Et ensuite, il dit quoi à propos de l'émir ? Il est une obligation pour eux de demander aux gens du commun à propos des bases de la religion, les trois bases de la religion, c'est-à-dire, il veut dire le livre Al-Usul al-Thalatha. Et il parle de ce livre-là, Salathat al-Usul et de l'Qawa'id al-Arba'a. Et il dit qu'ils sont, malgré le fait qu'ils soient résumés, ils sont extrêmement bénéfiques pour celui qui cherche la guider. C'est-à-dire qu'à son époque, les gens, entre guillemets, de l'élite, ils doivent étudier Kitab al-Tawhid. L'émir doit leur ordonner d'étudier Kitab al-Tawhid. Et les gens du commun doivent étudier l'Usul al-Thalatha. Sachez que dans le Jazira, à l'époque de Mohammed Abd al-Wahhab, de ses enfants et de ses petits-enfants, ils obligeaient les gens à apprendre l'Usul al-Thalatha dans les mosquées, à apprendre les bases du Tawhid. Il est questionné sur cela, il questionne l'âme. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, cette sunna est en train de revivre, et cette pratique est en train de revivre dans l'État islamique en Irak et au Sham, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle que l'État islamique, dans le Khilafa, dans la terre du califat, et dans la plupart des mosquées. On a été témoin de Doros sur ces livres-là, l'Usul al-Thalatha, al-Qawal al-Arba'a, Naqd al-Islam, Kitab al-Tawhid. Ces livres-là, ils sont enseignés dans les mosquées, dans les Mu'askarat et dans d'autres endroits. نسأل الله يوفق أمير المؤمنين لما يحبه ويرضى ويجعله يقرر كتب التوحيد ويحارب الشرك والتنديد. Mais il faut faire attention ici. Si les mouahidines ne restent pas fermes sur cette question-là, s'ils continuent pas, s'ils sont pris par le ghafla, par l'insouciance dans ces choses-là, Allah il peut nous châtier et sunnat al-istibdal jariya, et il peut nous remplacer par un peuple qui sera meilleur que nous, qui ordonnera le bien, interdire le mal. Une autre règle, c'est dirasat al-mukhtasarat qabla al-mutawwalat, le fait d'étudier les livres résumés avant d'étudier les livres longs. Et on voit que la plupart des égarements ou des errements qu'ont des gens qui étudient la science, c'est qu'ils vont de suite plonger dans les livres extrêmement longs. Il va de suite plonger dans le Mourni, dans le Fiqh. Il va de suite plonger dans les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Et surtout, lire les livres des Mu'asirines, pardon, plutôt que de lire les livres résumés par lesquels les ulama ou que les ulama ont écrit pour en faire des introductions à la science et pour en faire des portes par lesquelles les étudiants rentrent dans la science. Et le chemin de la science ne s'arrête jamais.